Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenay de Chicoutimi, des Saguenay qui ont joué pour 500 fin de semaine. D'abord, dans un match qui a été joué à Bécomo vendredi, ben, les Saguenay n'avaient pas d'énergie et ils ont perdu par la marque de 4-0. Hier, c'était le match retour et belle victoire des Sags 7-3. On a dit dans ce match que Nicolas Roy a marqué 2 buts 2 passes, Frédéric Allant 1 but 1 passe, de même que Dimitri Zuganov et Mike Brawny, de même que Brandon Hamelin. Du côté des Cataractes de Shawinigan, fiche de 500 pour les Cataractes. Ils ont remporté un match de fou. Les Cataractes l'ont remporté 7-6. On a noté 2 passes pour Samuel Girard. Et samedi, ben, les Cataractes ont perdu 3-1 contre les Tigres de Victoriaville. Une autre passe pour Samuel Girard. Et les Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné 3-1 sur les Foreurs de Val-d'Or. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont remporté 5-2 contre Rivière-du-Loup. Alexandre Quesnel a marqué 1 but et a amassé 2 passes. Christian Ouellet a marqué 1 but 1 passe, de même que Stéphane de Chaput. Et vendredi, ben, les Marquis l'ont emporté 9-0 contre cette même équipe. Yura Kolnik a marqué 2 buts et a ajouté 2 passes, de même qu'Alexandre Quesnel, 2 buts 1 passe. Et 1 but 2 passe pour Jonathan Paiement, Jean-Simon Allard et Stéphane de Chaput. 1 but 1 passe pour Jérémy Vigneault-Bélanger et 1 but 1 passe également pour Hugo Carpentier. Ligue junior régionale, les Sabres de Roberval ont remporté une victoire de 6-0 contre les Aiglons d'Almas. Une victoire qui va certainement faire du bien pour la troupe de Jason Lajeunesse. Les Épervilles de Normandie ont perdu 6-4 contre les Marquis de Jonquière. Niveau midget, les Ambassadeurs de Chicoutimi ont connu une fin de semaine très difficile. Les Ambassadeurs qui ont perdu à 3 reprises. D'abord, ils jouent en programme double contre les Orioles de Jonquière. Mais avant tout, vendredi, ils ont perdu 5-1 contre le Marcos Pub. 3 buts pour Guillaume Tremblay pour Saint-Félicien, de même que Charles-Éric Rochefort. Il y a Christophe Bélanger qui a aussi marqué et la réplique est venue pour les Ambassadeurs de Julien Paquette. Samedi, les Ambassadeurs ont perdu 5-2 contre les Aiglons d'Alma et 4-2 contre les Orioles de Jonquière. Dans le match contre les Orioles, Alex Perrault-Truchon et Mathias Boivin ont marqué les buts. Ligue Bantam Régionale, les Hurricanes de Mastuillage ont gagné 5-4 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Et les Ambassadeurs de Chibougamau se sont fait laver 14-0 par les Marquis de Jonquin et 6-2 contre ces mêmes Marquis. Football juvénile, maintenant, les Lynx d'Alma qui comptent 2 représentants de la MRC Meyer-Sudden ont gagné 26-6 contre Etchemin. Les Lynx d'Alma vont se rendre à Sorel pour disputer la demi-finale. Le sport local et régional? À danradiosport.com, on s'en occupe.